Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette belle période automnale pour ce nouveau numéro de la Lanterne des Otaku. Un programme très garni vous attend aujourd'hui avec la découverte de la préfecture de Gifu, une des rares préfectures à ne pas être bordée par la mer. Le japonais dont je vais vous parler aujourd'hui a marqué et continue de marquer de nombreuses générations, de par ses films d'animation comme Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke. Il reste avant tout le maître du film de l'animation japonaise. Je parlais bien sûr, et vous l'avez compris, de Hayao Miyazaki. Je reviendrai bien sûr sur mon manga de coup de cœur, et les sorties manga et conventions à venir pour l'aspect pop culture. Et en parlant de conventions d'ailleurs, mon samouraï du jour est à la tête du pôle communication de la dernière convention manga étudiante de France qui se déroulera au centre Prouvé de Nancy les 30 novembre et 1er décembre 2024, donc c'est-à-dire le lendemain et le dimanche. Thomas Leroux, responsable communication d'Animes, répondra à mes questions en fin d'émission. Mais avant tout, place à l'actu au pays des samouraïs. La France n'est pas le seul pays à s'être fait tirer les oreilles par les Nations Unies. Le Japon n'a pas non plus été épargné. En cause, une recommandation du comité en charge de la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes qui pointait du doigt le fait que la loi sur la famille impériale exige que seul un homme de lignée masculine peut devenir empereur. Cette branche de l'ONU a estimé que c'était contraire à l'objet et au but de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et demande à ce que le Japon modifie la législation. La réponse du gouvernement japonais s'est pas faite attendre par la voix de son porte-parole, Hayashi Yoshimasa, qui a répondu que nous protestons fortement contre le comité et exigeons la suppression de cette recommandation. Bon, même si le Japon a des progrès à faire, je pense qu'il serait peut-être plus pertinent de pointer du doigt certains pays qui n'en font pas du tout, voire qui martyrisent les femmes. Le chien Akita connaît un fort déclin dans la société nippone malgré sa popularité mondiale. Selon la société de préservation des chiens Akita, située dans la préfecture portant le même nom, le nombre de ces chiens a fortement diminué pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque l'armée les réquisitionnait, au point qu'ils soient menacés d'extinction. Heureusement, les élevages en grand nombre dans les années 70 ont permis d'avoir une reprise phénoménale avec un pic de 46 000 Akita. Plusieurs années après, une nouvelle baisse a été enregistrée avec moins de 7 000 de ces chiens en raison d'une demande plus élevée de chiens de plus petite taille et de l'âge des éleveurs qui n'arrivent pas à trouver malheureusement des repreneurs. L'année dernière, il y en avait plus que 1800 au Japon, c'est-à-dire encore moins que dans les années 40. Bon, c'est quand même dommage, chers japonaises et japonais, de bouder des chiens si mignons. Enfin, il m'est impossible de ne pas parler de l'association Nihon Hidankyu, vous savez, qui a reçu le prestigieux prix Nobel de la paix le mois dernier. Il s'agit d'une association de victimes des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, fondée en 1956, dont le but est d'œuvrer à l'éradication des armes nucléaires. Ce combat séduit le comité Nobel en justifiant que ces témoins historiques ont contribué à engendrer et consolider une large opposition à l'exploitation des armes nucléaires sur la planète, en mettant en avant leurs histoires personnelles et en créant des campagnes éducatives basées sur leurs expériences et en alertant contre le danger de la prolifération des armes. En ayant appris cette nouvelle, je ne peux m'empêcher de penser au combat qu'a mené toute sa vie Tsutomu Yamaguchi. Vous savez, j'en ai parlé pendant la première émission de la Lanterne des Otaku, qui est mort en 2010. Il a survécu aux deux bombes atomiques et je pense qu'il doit être heureux que cette lutte perdure de là où il est. Mais maintenant, ce prix est un grand pas, mais la cause est encore loin d'être acquise. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Sekai no hajimari mo Umi wa shitte iru Sekai no owari mo Dakara iza C'est une des rares préfectures à ne pas être bordée par la mer. Gifu renferme au milieu des montagnes, des trésors naturels, historiques mais aussi culinaires. Situé sur l'île principale d'Honshu, vous allez voir qu'elle en vaut le détour. Allez, on va partir à sa découverte. Cette préfecture regorge d'un patrimoine d'exception. En témoigne le village de Shirakawago, qui fait partie des sites incontournables à visiter. C'est un petit village qui est connu notamment pour ses maisons en toit de chaume. Il y en a une dizaine dans le village. Elles ont été construites dans les années 1800. Ces maisons en toit de chaume, donc, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines sont encore habitées et d'autres font office de musées ou de restaurants. Quelles que soient les saisons, elles offrent vraiment un paysage magnifique au milieu des montagnes. Je vous invite notamment à lire les articles du youtubeur Ichiban Japan qui vit au Japon depuis plusieurs années et qui d'ailleurs aime beaucoup cette préfecture, et on peut le comprendre. Ne ratez pas non plus la ville de Gifu, donc capitale du même nom de la préfecture, et son quartier historique de Kawamarachi. D'ailleurs, si vous avez la chance de vous y rendre entre le mois de mai et le mois d'octobre l'année prochaine, il sera possible d'assister à la pêche au cormoran, vous savez, les oiseaux. C'est une tradition vieille de plus de 1300 ans, c'est dire. Enfin, pour les fans du magnifique film Your Name, allez à Hida Furukawa, qui a servi de modèle au film. Et on peut trouver beaucoup de sites, d'endroits qui ont inspiré le réalisateur de ce chef-d'œuvre. Pour terminer sur une note gustative, goûtez au tomatodon, un bol de riz recouvert de viande et de tomates, mais aussi, pour ceux qui sont un peu plus viandards, vous avez la viande de bœuf Hida qui se rapproche un petit peu de celle de Kobe. Gifu, c'est un voyage marqué par un patrimoine et des traditions bien ancrées. の世界の全て誰かの希望は誰かの絶望を生み巡り巡って悲しみは祈るだけじゃもう終わり終えなくて第一の座を目に背けなくすぎなんで出会いと別れその全てには意味があって強くなりたいと今願うのは失いたくないあなたがいたから大切な心をいつも心を見て決めればいい終わりのない最高のストーリーを始めよう。Believe in happy ending 影に染まる背を得て思いはこそして時には言い場に変わるどうしてなくすまって気づかないんだろう答えのない問いかけはささ頭まで。この腕で自分の手で掴み取って生きる兄弟予定上はの白けた品理由はもう要らない。 Believe in happy ending 命の限り赤く脈打つ悲しいが叫んでる止まらない涙もいつ来るかてとなる。 Keep it, keep it, keep it. 人は弱さを知り強く優しくなる。 Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Lors de la remise de la Palme d'Or d'honneur cette année à Gorō Miyazaki, son père, Hayao Miyazaki, n'avait pas pu faire le déplacement et a enregistré une vidéo depuis Tokyo avec humour en disant qu'il plaignait son fils de se rendre à Cannes et qu'il lui souhaitait bon courage. D'une enfance marquée par la guerre, au studio Ghibli et les consécrations qui vont avec, c'est l'histoire de ce monstre sacré, de ce japonais avec un grand J que je désire vous raconter. Alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, Hayao ouvrit les yeux pour la première fois en janvier 1941 à Tokyo. Un an avant la fin de la guerre, et sa famille et lui fuient la capitale pour rejoindre la préfecture de Tochigi, plus au nord, à cause des bombardements. Par la suite, le jeune Miyazaki mènera une enfance classique avec trois frères. Un père qui lui a donné la passion de la mécanique grâce à son entreprise spécialisée dans la fabrication de gouvernails pour avions de chasse. Et malheureusement, d'une mère qui sera atteinte d'une forme de tuberculose qui la conduira à rester alitée jusqu'en 1955. Dans les années 1950, le jeune Tokyoïte va s'intéresser au manga grâce aux œuvres du mangaka Osamu Tezuka, auteur de l'iconique Astro Boy. Comme Obélix avec la potion magique, Hayao Miyazaki tombera fou amoureux ensuite du film d'animation en ayant regardé Le Serpent Blanc du studio Toei. Marqué par ce long métrage, il fera ses débuts en tant qu'animateur dans ce même studio en 1963, où il travaillera sur les images d'animation et œuvrera à la conception de films comme Horus, Prince du Soleil. Une dizaine d'années plus tard, il s'émancipe de plus en plus et travaillera avec d'autres studios concurrents de la Toei. En 83, le studio Topcraft lui demande de réaliser Nausicaa, qui sera son premier film en tant qu'auteur. Le film fera un tel succès, plus d'un million d'entrées, qu'il permettra, grâce aux recettes, à Hayao et à son compagnon Takahata de créer le fameux, le légendaire studio Ghibli en juin 1985. Cette nouvelle ouverture donnera l'occasion aux deux réalisateurs de créer des projets de long métrage plus librement que dans leurs expériences antérieures. Ainsi, Hayao donnera naissance en 1986 au premier film Ghibli, Le Château dans le Ciel, qui attira près de 800 000 spectateurs dans les salles de cinéma. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Paul Colosso ou encore Princesse Mononoke, Miyazaki et le studio Ghibli traversent un âge d'or et arrivent à conquérir le monde entier. Dans les années 2000, ce succès atteindra son apogée avec quand même 25 millions d'entrées pour Le Voyage de Chihiro sorti en 2001. Ce très beau film lui vaudra un an plus tard l'Oscar du meilleur film d'animation. La même année, les succès répétés et les recettes générées seront l'occasion d'ouvrir le musée Ghibli à Tokyo qui accueille chaque année 650 000 visiteurs. Aussi, ce que l'on sait moins, c'est certains de ses engagements qui pousseront Miyazaki à par exemple refuser en mars 2002 de participer aux Academy Awards à Hollywood pour protester contre l'invasion de l'armée américaine en Irak. En 2011, il fut comme beaucoup bouleversé par le tsunami et se rendit dans les villages touchés par la catastrophe afin d'y projeter la colline Coquelicot afin de redonner le moral aux enfants de la région. Toujours en bonne santé, l'année dernière il a sorti son dernier film, Le Garçon et le Héron, qui a fait 800 000 spectateurs. Bon, dernier film, on sait pas trop parce qu'à chaque fois il dit que c'est son dernier film et après il en refait un autre. J'ai eu l'occasion moi-même de regarder plusieurs de ses films, comme le dernier en date, ou encore Le Voyage de Chihiro, que j'ai beaucoup apprécié de par la qualité des dessins, les émotions qu'il dégage et cette façon aussi de parler des esprits de la religion shintoïste. Ça m'a vraiment transporté. Que ce soit ma génération, les précédentes ou les nouvelles, ces films touchent et continueront à toucher le public du monde entier et n'a rien à envier aux grands classiques. Hayao Miyazaki restera le maître incontesté du film d'animation et pour longtemps, j'en suis intimement convaincu. Votre émission La Lanterne des Otaku revient dans un instant sur Fadjet. Show me, raise your hands, na na na na na, na na na. L'heureux élu de ce mois-ci, pour mon manga coup de cœur, est H, le bâtisseur de civilisation. Ce manga de l'auteur donc Yoruno Kuroki aux éditions Komiku raconte justement l'histoire d'H, un jeune garçon passionné par la lecture. Il apprendra donc très vite à lire et à écrire, en moins d'un mois carrément, grâce à un manuscrit qu'un prêtre lui a prêté. D'ailleurs, quand ce prêtre lui demande s'il a réussi à lire, quand le jeune H lui a dit qu'il avait réussi à lire en un mois, il n'en croyait pas ses yeux. Et il décide de travailler avec le jeune garçon de 8 ans pour déchiffrer donc des lettres anciennes d'un livre datant d'une civilisation lointaine. Alors moi j'ai vraiment adoré ce livre, d'abord car il fait l'éloge du livre en tant que tel et de son importance pour acquérir des connaissances. J'ai également été surpris par le personnage principal qui est doté d'une maturité incroyable pour un gosse de 8 ans et qui n'a pas la langue dans sa poche. Sachez, alors je sans vouloir trop spoiler... ce gamin se souvient de sa vie antérieure, donc peut-être il y a des liens par rapport à cette maturité, cette franchise. Ce seinen qui est en cours compte pour le moment 6 volumes, et pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% japonaise sur Fadjet. Oh, Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Ce mois de novembre est assez bien rempli concernant les sorties manga avec l'apparition du 40e tome de My Hero Academia pour suivre le désir de vengeance de Himiko après la mort d'un de ses compagnons. Pour ceux qui veulent lire ou relire One Piece, Glénat, depuis un ou deux ans maintenant, se met à sortir des coffrets de chaque arc. Et là, ce 6 novembre est sorti le coffret des 9 tomes consacré à l'arc de l'île des hommes-poissons. Donc, ça coûtera quand même 64,99€. Donc, c'est à vous de voir. Et enfin, donc, Rising of the Shield Hero poursuit son ascension avec la publication du 25e tome. Pour les conventions, il serait bête de ma part de ne pas parler d'Animest, qui se fera donc demain et dimanche au centre prouvé de Nancy à côté de la gare. Un beau casting avec le youtubeur Tokyo Nojo, ou encore l'artiste australo-japonaise Sarah Alain, qui a œuvré pour certaines musiques de jeux comme Monster Hunter. Pour le reste, je n'en dis pas plus, je laisserai mon invité développer sur ces points dans un instant sur votre émission 100% culture japonaise sur Fadjet. Chasing after my shadow. Donc comme je le disais en début d'émission, mon samouraï du jour est responsable communication d'Animest. Thomas Leroux est présent dans le studio de Fadjet pour nous parler de cette nouvelle édition. Bonjour Thomas. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fadjet. Donc ma première question, elle va être très simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Animest justement pour les auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler? Bah, Animest, à la base, c'est une association qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a été constituée à la base de gens qui aimaient le Japon, tout simplement, qui aimaient la culture japonaise, qui étaient un peu geeks sur les bords, qui aimaient les jeux vidéo, les mangas, qui était originaire à la base de l'école supérieure des mines et de Télécom Nancy, et qui se sont dit, tiens, ça pourrait être cool si à un moment on faisait un événement entre personnes qui aiment ce milieu et qui serait ouvert au public, pour faire des animations. Avant c'était quelques otaku, quelques fiers geeks ou quelques fiers personnes qui aimaient ce milieu, et de fil en aiguille c'est devenu une grosse convention qui réunit plusieurs milliers de personnes chaque année sur Nancy. Donc là l'an dernier on était au parc des expos, cette année on est en centre prouvé, et à chaque fois on partage, ça s'est un peu diversifié, on a le cosplay qui a pris une grosse part, on a toujours le jeu vidéo, on a toujours la culture japonaise, on a un peu de culture pop qui vient. Et le but, c'est que ce soit un moment convivial pour tout le monde et que tout le monde prenne du plaisir à venir à l'événement. Très bien. Donc, je l'ai dit, donc, tu es responsable communication de la convention. Les visiteurs qui viennent tous les ans à Animest, en fait, ne se rendent pas compte du travail que vous faites dans l'ombre, dans les coulisses. Est-ce que tu peux... nous raconter un petit peu les coulisses de cette préparation, en gros, de la réflexion, de la recherche d'idées, du thème, jusqu'au jour J, quoi. À la base, du coup, actuellement, en tout cas, pour Animest, on a un CA qui compte 4 membres, un président, un secrétaire, un trésorier et un second secrétaire, qui chapeaute un peu le tout durant une année complète. On va avoir une douzaine de pôles qui s'occupent des différentes choses. Par exemple, moi, je m'occupe de tout ce qui est communication externe. Il va y avoir la restauration, tout ce qui est événementiel, donc les animations, les VIP, les activités sur la base de la chose, le maître café, la signalétique, le fil rouge, etc. L'infrastructure, il y a énormément de pôles qui sont pris en charge par des responsables. Donc des fois il y en a qu'un, des fois peut y en avoir jusqu'à 3. Et ça va se dérouler tout au long de l'année. Donc c'est-à-dire que vu qu'on est une association et que à la base c'était une association étudiante, on essayait de faire en sorte que ce soit des étudiants des écoles qui reprennent les pôles et qui transmettent un peu comme Midoriya dans My Hero Academia, qui transmettent le pouvoir de l'association à d'autres personnes qui sont passionnées. Donc c'est finalement, on va dire, un poste d'un an, si je puis dire, où on s'engage justement à travailler, à organiser comme on peut, où il va y avoir des réunions de cohésion de groupe justement pour déterminer le thème, la couleur, où on va poser des idées. Par exemple, cette année, on a discuté et on a proposé les Meet and Suite, qui sont des moments un peu particuliers avec les VIP qui sont là et qui nous permettent, on va dire, à 6 personnes qui ont souhaité le faire, aller au maître café pendant une heure et discuter. Et comme ça, chaque année, par exemple, ça a été le cas aussi pour le fait d'aller au parc des expos où on discute d'éventuelles nouveautés, de faire des points d'avancement, etc. Et en soi, après, ça dépend des pôles et ça dépend aussi des moments. Mais pour ma part, en tout cas, en fin d'année, généralement, ça me prend... je pense peut-être en moyenne entre 2 et 5 heures par semaine, on va dire. Parce que il faut, pour mon pôle en tout cas, je dois répondre énormément à des mails avec les intervenants que je dois rediriger sur les différents pôles. Je dois aussi préparer les communications sur Internet, sur Facebook, etc. Je dois gérer les accréditations de presse. Faire la prospection, démarcher, répondre aux gens s'ils ont des questions, etc. Et je dois aussi animer sur les réseaux, faire des petits jeux, répondre aux personnes qui posent aussi des questions sur les réseaux sociaux et m'occuper, on va dire, de l'affichage de notre affiche. Donc ça fait en soi pas mal de travail, mais on va dire, je pense qu'il y a des personnes comme la logistique où ils vont avoir beaucoup plus de travail que moi et ça va dépendre effectivement du moment, ou d'autres personnes un peu comme fil rouge où ça va être beaucoup plus variable, ou à la fin d'année, avant la convention, il va y avoir beaucoup de boulot parce que ça va être tout ce qui est signalétique, et en amont il va y avoir juste la préparation le jeu d'été et du jeu d'automne, donc ça va être un peu moins chargé, mais c'est pas un emploi classique rémunéré comme on pourrait avoir, parce que déjà on est une association. Oui, vous faites ça de manière bénévole, quoi. Tout à fait. Il n'y a aucun salarié, on est une association de la loi 1901, on est tous bénévoles. Mais c'est quelque chose quand même qui nous prend sacrément du temps. D'accord. Animest est de retour donc au centre prouvé cette année. Il faut ça pour le dire aux auditeurs. Donc, Animest était au parc des expositions de Vendeuvre l'année dernière à l'occasion des 20 ans de la convention. Et donc, encore avant, donc vous étiez pendant plusieurs années au centre Prouvé. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement entre l'année dernière par rapport au parc des expos et cette année? Est-ce que c'est un souci de budget? C'est un souci de coûts, parce que le parc des expos est plus cher qu'au centre Prouvé? Alors, je pense déjà, pour expliquer le contexte, il faut revenir en 2022, où c'était une année où on était encore au centre Prouvé, et c'est une année un peu charnière, parce qu'avant déjà on discutait un peu, est-ce qu'on reste au centre Prouvé, est-ce qu'on part au parc des expos, mais ça a été jamais plus loin que la discussion, parce que ça se passait, on avait l'expérience du terrain qui se transmettait de génération en génération. On savait comment ça fonctionnait, on avait pu faire les premières bêtises à l'époque et dire bah, attention, faites pas comme ça. Et en fait, le souci qu'on a eu en 2022, c'est qu'on a dépassé le cap des 10 000 personnes. Donc chaque année, on a grossi, jusqu'à là où les 10 000 personnes, finalement, pour nous, bah, c'est super, c'est une valorisation parce qu'il y a énormément de monde qui participe, qui aime ça, mais où finalement, on est obligé de dire bah, désolé, là, il y a trop de monde, on peut plus en accepter, on peut plus repousser les murs. Donc c'est là où on s'est dit ben. Bah, est-ce que vous, ce serait vous pas... avez dû donc bloquer des gens en 2022 en raison du trop grand nombre dans le même espace, quoi. C'est ça. Bah, je crois qu'il y a eu. Après, c'était très très bref, hein, mais c'était une 15-20aine de minutes où bah, concrètement, on est obligé de gérer, de laisser les personnes dehors parce que justement notre compteur bah, était à saturation et s'il y a un mouvement de foule, un mouvement de panique, ça peut avoir des grosses répercussions. Après, dehors, il n'y avait plus énormément de monde. C'était pas le flow du matin à 9-10 heures où il y a tout le monde qui attend. C'était en milieu d'après-midi. Mais on a quand même eu ce pic. Donc c'est de ce moment-là où on s'est dit, ben, on est presque obligé, on va dire, de voir, de planifier pour avoir un espace plus grand. Et ben, du coup, comme 2022, ça avait bien marché, on a eu des fonds, on a eu aussi d'autres fonds de la part d'autres groupes qui nous ont permis justement ben, de participer au paiement de ce nouvel espace. Surtout, ben, on avait aussi des avantages et des inconvénients sur l'ancien centre. Ben, par exemple, pour ceux qui viennent en voiture, c'est très compliqué. Mais aussi la file d'attente, c'est plus compliqué à gérer, et on s'est dit bah, si on va au parc des expos pour les voitures, ce sera très simple, il y a un énorme parking. Pour les files d'attente, il y a beaucoup plus d'espace, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et aussi pour ceux qui viennent éventuellement en train, bah, eux ils ont juste à prendre les transports en commun, donc le bus qui a une ligne directe, et ce sera assez simple. Du coup, on a fait notre édition en 2023 au parc des expos qui s'est déroulée. Vu que c'était la première fois, on a pu constater qu'il y avait ben, des avantages et des inconvénients. Donc les avantages que j'ai cités et les inconvénients majeurs qu'on a eu, c'était ben, la gestion du froid. C'est-à-dire que c'est une très très grande salle qui était chauffée à la base, mais vu qu'il y a énormément de transitions entre les personnes, ben, finalement les portes elles sont à moitié du temps ouvertes. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'intervenants qui sont tombés malades le lendemain ou le surlendemain. Ah oui, quand même, carrément. Ah ouais, c'était assez violent parce que dehors, je crois, en plus c'était pareil à peu près dans ces dates-là, c'était fin novembre, début décembre, et je crois qu'on a eu un pic de froid sur la période là, en étant descendu à des moins 3 le matin. Justement, bah, le fait, il y a les intervenants qui étaient sur le bord qui, eux, bah, se les gelaient et sont tombés malades, mais c'était violent. Un autre souci qu'on a, bah, c'est la disposition de la salle. Au centre Prouvé, c'est extrêmement. Bah, c'est bien, pas bien, parce que pour circuler, c'est un peu horrible, ça sert serré, mais c'est très bien pour mettre des ambiances. Typiquement, le maître café qui est tout en haut avec le Majon qui est le go, c'est très calme, c'est une ambiance très reposante. C'est très agréable, et en bas on peut mettre les scènes culture, on peut mettre le bruit, les animations, et c'est extrêmement bien. Et les auditoriums aussi, c'est super pour faire des animations. Et quand on est arrivé au parc des expos, bah, c'était beaucoup plus compliqué. On pouvait beaucoup moins casser le son, mettre des murs, et ça coûtait beaucoup plus cher, on va dire, de mettre des équipements. Donc je prends ne serait-ce que pour le concours cosplay, c'est vachement pratique d'avoir des lieux dédiés, on va dire, des scènes avec des coulisses, etc. Alors que là, bah, sûr, on doit mettre une scène sur place, les vestiaires, c'est des démonstrations en intimité, isolées du reste de la convention, pour que ça soit plus calme, plus agréable à voir et à écouter, quoi. Voilà, voilà. Mmh. Et puis aussi, bah, en 2023, du coup, on avait la réussite de 2022, on avait plus de partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont permis de venir là, et qu'on n'a pas, on va dire, nos demandes de subvention, on va dire, n'ont pas été aussi bien soutenues que l'année d'avant. Et bah, le parc des expos, c'est un budget, c'est un coût quand même, et on a décidé déjà de, par rapport aux inconvénients qu'on avait décelés, et du vu qu'on avait des expériences d'avant, on a décidé de revenir au parc des expos, au centre Prouvé, pardon, et vu que le budget, on va dire, c'était plus tendu, on a préféré de sécuriser, on va dire, de revenir au centre Prouvé, de refaire une bonne année. Parce que je pense qu'actuellement, on est un peu dans une période charnière où on va, osciller en termes des années à est-ce qu'on est assez grand, pas assez grand, etc. Jusqu'à ce qu'on ait une stabilisation et qui nous permette, on va dire, d'avoir un lieu qui accueille, puisse accueillir tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu des différents tarifs ? Oui, tout à fait. Alors là, il y a eu les tarifs pré-vente qui sont achevés à midi à vendredi. Demain, les différents tarifs pour l'entrée, les tarifs classiques, on va dire. Pour l'entrée, le samedi, ce sera 15€. Pour le dimanche, ce sera 14€. Et pour tout le week-end, ce sera 23€. On a des tarifs étudiants, donc qui sont à hauteur de 2€ de moins, grosso modo. Et on a des demi-tarifs pour tout ce qui est enfants de moins de 12 ans ou personnes handicapées, PMR, GIC, GIG, qui sont du coup à moitié prix du tarif. Réduction de 50%, ouais. Voilà. Et aussi, à savoir que les enfants de moins de 6 ans ne payent pas l'entrée. Parce que, faut être un peu gentil quand même. Les pauvres, ils sont très jeunes. C'est normal qu'on leur offre l'entrée, surtout pour les enfants en bas âge. Et j'ai vu que vous aviez un billet Tanuki qui est à 50€, si je ne me trompe pas, et qui permet un certain nombre d'avantages par rapport au ticket que vous avez, au tarif que vous avez cité. C'est ça. Alors, tout à fait, on a un Tanuki Pass qui était disponible qu'en pré-vente. Ce Tanuki Pass, en fait, il permettait d'avoir un accès en avance de la convention, mais qui permettait d'en passer par une entrée spéciale. Donc qui permettait d'accéder plus vite à la convention, qui donnait accès à des goodies offerts, donc avec un tote bag, un lot de goodies à l'effigie d'Animest. Ça permettait également d'avoir certains coupe-fils, notamment pour le maître café, pour les VIP, pour les dédicaces, et aussi pour certaines activités. Et grosso modo, voilà. Et ça donnait bien évidemment un accès au billet au parc pendant 2 jours. Ok. Alors, quels sont un petit peu les invités incontournables de cette édition ? Ça, c'est la première question, et toujours dans le même esprit. Sur quels critères à Animes vous basez pour choisir les invités ? Alors, on va dire, à Animes, on a comment dire ? On essaye d'être un peu diversifié. On va, de prime abord, prendre des intervenants qui sont en lien avec la culture japonaise. Par exemple, cette année, on va avoir Benjaminius et Sarah Alain, qui sont des artistes qui font de la musique ou de la chanson autour du Japon. Sarah Alain, qui est présentatrice, animatrice, chanteuse au Japon, qui notamment a fait des musiques pour Xenoblade Chronicles, si je ne dis pas de bêtises, notamment. Et Benjamin, qui est un pianiste et compositeur japonais, qui a une grande renommée mondiale. Donc on va essayer d'inviter ce genre de personnes, d'ailleurs originaires de ce pays. Ou des intervenants qui sont en lien. Par exemple, aussi, on a Tokyo Nojo, qui est un YouTuber qui, justement, nous parle de son expérience, qui est un expatrié en France, et qui va nous expliquer comment les Français voient les Japonais, comment les Japonais voient les Français, comment lui s'est intégré son milieu en France, comment ça s'est passé. On va aussi avoir d'autres intervenants, donc soit des intervenants qui sont connus, qui sont des influenceurs, on va dire, par exemple, des TikTokers, merci. J'ai pas trop l'habitude, je me fais un peu vieux. Des TikTokers, des YouTubers ou autres influenceurs Instagram. Il y a par exemple Julien Fontanier qui fait des cours de japonais gratuits en ligne et qui a sorti cette année donc 2 livres pour apprendre le japonais. Notamment. Tout à fait. On va voir aussi Versin Rap qui sont moins axés sur le Japon, mais qui sont axés aussi pop culture. Donc vu que c'est un point secondaire d'Animest, ça nous paraît intéressant, et surtout d'avoir un peu plus de diversité qui attire finalement les fans qui sont dans le coin, et qui ça ferait plaisir de pouvoir rencontrer la personne autour d'une séance dédicace, etc. Sinon, en personne moins influente, on va dire, on va voir aussi tout ce qui est littérature autour du Japon. On va voir Sylvain Joliva, qui est un auteur conférencier et qui notamment a écrit des ouvrages autour des Oni, donc des yokai du monde japonais. On va aussi régulièrement inviter des doubleurs. Donc on a eu les voix d'Homer et Marche il y a quelques années. Oui. On a eu Padge, qui est venu aussi pareil quelques années. Et cette année, nous allons avoir Nathalie Holmes, qui a fait la voix de... c'est pas Cruella, de... Once Upon a Time en anglais. Malveillante, non, pas malveillante. C'est la méchante reine. J'ai plus le nom en tête, mais je crois aussi elle a fait un personnage dans Hasbin Hotel. D'accord. Camilla. Et du coup, on va avoir pas mal d'intervenants. Et un autre point qui va bien aussi avec les conventions, c'est le cosplay. Donc, on va avoir Aokiji et Aori Cosplay, qui sont deux pointures, on va dire, dans ce domaine-là, qui sont souvent font partie de jury et qui arrivent maintenant à vivre à peu près du monde du cosplay. D'ailleurs, en parlant de cosplay, il va, la Coupe de France, de, les sélections régionales de la Coupe de France de cosplay font leur retour cette année. Alors l'année dernière, ça n'était pas le cas, mais ils sont de retour cette année. Tout à fait. Alors cette année, ce sera, normalement c'est Cospop qui organise, mais c'est Cosplayer de France qui sera en charge de venir chez nous pour organiser l'événement. Et un gros merci à eux déjà parce qu'ils sont géniaux. Et du coup, ils vont tenir la compétition à l'étape régionale chez nous. Elle va avoir lieu le samedi dans la journée. Il va y avoir aussi la scène libre, donc où les gens pourront présenter leur cosplay qui ne seront pas faits main. Et le dimanche, il y aura l'étape solo et un concours solo et un concours en groupe qui ne fera pas partie de l'étape, mais qui donne un aspect cosplay de la convention aussi. Ok, très bien. J'ai vu aussi que cette année Animest vous avez mis en place donc un nouveau concept, le Sweet and Meat. Tout à fait. Ça consiste en quoi? On s'est dit que c'est assez rare qu'il y ait un maître café dans les conventions, où souvent c'est des petites buvettes, même ou des buvettes, il peut y avoir des buvettes à thème, mais on a rarement vu des maîtres café des lieux, on va dire, qui ressemblent à un petit salon de thé japonais au sein de la convention. Et on s'est dit que les VIP, ils aiment bien des fois être proches de leurs personnes, des personnes qui les suivent, et que aussi certains seraient intéressés pour passer un moment un peu privilégié avec eux, de pouvoir discuter, échanger, je vais pas dire en tête à tête, mais en petit groupe de 6, en petit comité, et justement de voir ces personnes-là, leur poser un peu avoir un peu plus de temps pour leur poser des questions un peu détaillées sur leur mode de vie ou sur ce qui pousse à faire ce qu'ils font. D'accord. Dans ce Meet and Suite, Sweet and Meet, pardon, quels sont les invités qui sont prêtés au jeu? Alors, on a eu de la chance, on a tous les invités qui sont prêtés au jeu. Les billets étaient disponibles du coup, parce que c'est malheureusement un complément à prendre en plus, parce que c'est des plannings, c'est de la gestion et tout, et par rapport à eux aussi, c'est une demande qu'on leur a fait, donc on doit les payer par rapport à ça. Donc du coup ils étaient disponibles, ils sont répartis sur des créneaux entre le samedi et le dimanche, et du coup on a pu caser à peu près tout le monde. Je sais pas si on a un créneau de chaque personne pour les deux jours à chaque fois, mais grosso modo on a au moins un créneau par personne, surtout nos VIP. Et comment, si tu avais été visiteur avec avec quels invités aimerais-tu prendre un café ou mettre café pour le Sweet and Meat? Alors je vais être honnête, je vais pas dire pas avec Julien Fontanier, mais parce que j'ai eu l'occasion de le voir l'an dernier et j'ai eu l'occasion de jouer à Smash avec lui, donc j'ai eu un moment privilégié en tant qu'ancien responsable d'Animest, et qui est d'ailleurs très cool. Sinon je pense qu'en vrai je serais allé voir Tokyo Nojo, parce que c'est un youtubeur que je regarde régulièrement sur ses vidéos. Même si ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu, mais je trouvais hyper sympa en fait. Et je pense que c'est une des personnes qui me donnerait envie d'aller au Japon. Qui me donne envie, notamment avec Louis-san, avec Ichiban Japan, qui me donne vraiment envie de visiter le pays en fait. D'accord. Et alors, ça sera ma dernière question. En fait, qu'est-ce qui vous motive, toi, mais aussi les bénévoles qui s'impliquent dans l'IMES, qu'est-ce qui vous motive en fait à vous impliquer dans cette convention de genre en fait? C'est vrai que ça fait une grande charge de travail quand même, mais ça fait un moment que j'y suis dedans. Normalement, comme je disais, c'est une association qui est étudiante, et moi je suis plus étudiant de quelques années. Parce que c'est vrai que en parallèle avec l'organisation de la convention, vous avez les études à côté. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et on va dire qu'on est une association, on essaie d'accueillir le monde, et le but, c'est en fait, c'est vraiment des passionnés. Et je trouve que ce soit les personnes extérieures qui viennent entre amis, ou même qui des fois font des meetings entre des cosplayers de Demon Slayer ou autres, je trouve que c'est un milieu qui est très fédérateur, que ce soit pour les participants ou pour les organisateurs. Je me suis fait beaucoup d'amis en convention, Et je trouve ça vraiment cool. C'est vrai qu'on travaille pas mal, que ce soit en amont ou pendant la convention. Et à la fin, on est bien content et on passe d'excellents moments avec les personnes. On rencontre des gens géniaux. J'avais fait aussi la Camocon à Dijon, et pareil, j'ai rencontré des personnes super. Et à Nimest aussi. Et finalement, c'est une bonne ambiance. C'est ce qui nous pousse, on va dire, à refaire chaque année. C'est qu'on est hyper satisfait quand les gens viennent et sont heureux. Et puis même nous, entre nous, on est trop contents. Je peux dire, on fait nos bêtises, mais on est là, on met notre aide justement à faire un si grand événement avec tous les gens, et Ben, c'est hyper agréable, notamment à la fin de convention, quand on voit tous les gens qui sont contents, qui disent « Ouais, j'ai passé un trop beau moment. » Ou même nous, en fait, on est rincés, on est lessivés, parce que ben, le jour J, on fait des journées monstrueuses. Mais on passe ben, vraiment des moments avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on arrive à partager. Et ça, je pense que c'est ce qui fait qu'on refait chaque année, et c'est grave cool. Eh ben, très bien. Bah, merci Thomas d'être venu au studio de Fadjet. Donc, je rappelle que la convention donc, se fera ce week-end, donc le 30 novembre et le 1er décembre au centre Prouvé de Nancy. Les horaires pour y accéder? Alors, oui, c'est vrai que c'est un petit point à préciser. L'ouverture se fera à 9h30 pour les préventes, mais qu'à partir de 11h pour ceux qui n'ont pas leur billet. C'est dans un objectif de fluidifier les files, parce que sinon on se retrouve avec des bouchons assez monstrueux. La convention se terminera le samedi à partir de 20h et le dimanche un peu plus tôt à 19h pour qu'on puisse avoir le temps de tout ranger en fait à temps. D'accord, très bien, et bah c'est noté. C'est la fin de la lanterne des otaku. Rendez-vous le dernier vendredi du mois de décembre pour le prochain numéro. Sayonara à tous.